France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les fantômes véritables, sont anglais, sans doute. Ils hantent les vieilles demeures victoriennes, mais aussi les théâtres de Londres. Il ou elle, car bien sûr, certains fantômes sont des fantômes féminins. Anne Boleyn, par exemple. Oui, les véritables fantômes sont anglais, typiquement anglais. Ne tentez pas de les filmer, tâchez simplement d'être aimé par eux. Il suffit, pour cela, de croire en eux. C'est tout simple. Et c'est bon pour le tourisme en Angleterre. Le Monde insolite, première diffusion sur France Culture le 1er décembre 1972. Fantômes et tourisme. Fantômes et tourisme. Lorsque j'ai pensé à cette émission pour le Monde insolite, j'ai pris contact en même temps avec l'Office du tourisme britannique en France et avec quelques confrères de la BBC qui avaient déjà réalisé en Angleterre des émissions sur les esprits et leurs manifestations dans des manoirs ou des châteaux de Grande-Bretagne. En France, on est cartésien, sceptique, et la croyance aux fantômes est assimilée à des superstitions, voire même à des fariboles. En Angleterre, par contre, presque tout le monde y croit. Les fantômes sont des familiers, un petit peu comme les grillons de nos foyers. Mais les gens de la BBC, vous le verrez, ont eu bien des déboires avec leur matériel lorsqu'il s'est agi de capter ou le son ou des traces visibles de ces manifestations pour le moins insolites. Pourtant, il existe surtout, à l'usage des Américains, de véritables circuits touristiques de châteaux où l'on peut parfois recevoir l'hospitalité et même, si on le désire, recevoir le gîte, le coucher, dans les pièces fréquentées par les esprits. Je pourrais en citer beaucoup. Puttenden, Longleat, Southern Hall, le presbytère de Borley, le château de Hover, Hampton Court, etc., etc. Et en parcourant la Grande-Bretagne, je me suis rendu compte que les esprits, ghosts, n'étaient pas des personnages historiques, ou tout au moins pas toujours, ou encore des vedettes comme l'homme en gris du Royal Theatre, dont nous parlerons tout à l'heure, mais aussi d'humbles défunts sans titre, de braves fantômes qui se sont attachés aux murs entre lesquels ils ont vécu. Lorsque je me suis adressé à l'Office du tourisme pour recevoir des conseils et parler de mon projet, personne, absolument personne n'a souri. Monsieur Bergas, délégué britannique en France, m'a reçu avec courtoisie et sérieux. Même l'Église en Angleterre n'a pas suivi le point de vue de l'Église française, qui brandit l'anathème sur tout chrétien qui s'égarerait en de telles croyances. Nous y reviendrons d'ailleurs. Voici Monsieur Bergas de l'Office du tourisme britannique. L'Angleterre est une région où le fantôme va de soi. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a en Angleterre des régions qui sont extrêmement sauvages, et si sauvages qu'on a peine à les concevoir en France. Pour le français, la Grande-Bretagne est une région industrielle, très peuplée, avec des usines, avec de la fumée, avec des cheminées. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que vous avez effectivement une ligne de cheminées d'usine qui va de Londres à Liverpool, large d'une trentaine, une quarantaine de kilomètres, et ça, c'est une région industrielle. Vous avez également le sud de l'Angleterre, les côtes de la Manche. Elles sont également extrêmement peuplées et il n'y a pas d'étendue vaste où on rencontre peu de gens. Par contre, à côté de ces régions industrielles, à côté de ces régions peuplées, vous avez le reste de l'Angleterre, je dirais pas jusqu'à dire les trois quarts, mais une très grande partie de l'Angleterre, qui est pratiquement restée à l'état sauvage. Pourquoi ? Parce que les Anglais, depuis la reine Victoria, se préoccupent d'un problème qui est actuellement à la mode en France, qui est l'environnement. Depuis la fin du siècle dernier, les Anglais se préoccupent de conserver l'environnement, de conserver des régions protégées, et c'est assez drôle, mais c'est souvent dans ces régions très protégées que l'on rencontre plus de fantômes. Et les châteaux que l'on visite, je crois, ont tous leurs fantômes. Alors là aussi, effectivement, les châteaux qu'on visite et beaucoup de manoirs ont tous leurs fantômes. Je crois que la fameuse tour de Londres, doit avoir autant de fantômes que de mètres carrés. On rencontre des fantômes partout. J'ai été récemment également passé un week-end chez mes amis les Bedford, bien connus en France. La duchesse m'a fait coucher dans la chambre hantée, car à Woburn, chez Bedford, il y a une chambre avec un fantôme. Et effectivement, j'ai été réveillé vers 3 heures du matin par un froid glacial. Tout était fermé, c'était le mois de juillet, il faisait très chaud, ma fenêtre avait été fermée donc, eh bien j'étais réveillé à 3 heures du matin et j'étais environné d'un froid, d'un certain froid. Ça n'avait rien d'angoissant d'ailleurs, mais c'était froid. Ce vent froid a duré 2 ou 3 minutes et puis c'est terminé. Et le lendemain j'en ai parlé au duc, le duc m'a dit mais c'est notre fantôme. Premier interlocuteur anglais, Peter French Hodges, qui est un homme d'affaires très pragmatique, le contraire d'un rêveur. Il habite d'ailleurs une villa du sud-ouest de Londres. J'ai vu un fantôme. J'ai 3 ans. Mm-hmm. Et j'étais dans un jardin. Et j'ai vu un homme gris avec un grand chapeau. Et j'ai dit à ma mère... Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est rien, mon enfant. Mais après 20 ans, j'ai visité cette maison encore et j'ai demandé à un très vieil homme là, est-ce qu'il y a un fantôme ici? Non, non, il m'a dit. Mais quand vous êtes arrivé ici, il y était une tombe dans le jardin. Une tombe. Une tombe, oui. Et j'ai mis la tombe dans une autre part du jardin, oui. Et après ça, j'ai vu cette fantôme. C'est ça. En quelque sorte, le fantôme avait été dérangé, disturbed. Oui, absolument, oui. Et très fâché. C'est ça. Peut-être, peut-être. Que pensez-vous de l'existence de ce club des fantômes, Ghost Clubs? Oui, il y a un ghost club parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui avaient vu un fantôme. Et le ghost club, c'est une institution pas très grande, mais c'est dans la campagne. Est-ce qu'il y a des touristes qui viennent à Londres, à l'office du tourisme, ici, pour vous dire, monsieur, nous aimerions que vous nous indiquiez un circuit de châteaux ou d'habitations historiques en Angleterre, en Écosse, à visiter? Ah oui, oui, mais il n'y a pas un tour spécial parce que tous les châteaux avaient les fantômes. Mais à Londres, c'est très simple parce qu'il y a les fantômes au théâtre, les pubs et naturellement à la tour de Londres. Il y a beaucoup là, il y a Anne Boleyn et tous les grands personnages historique. De l'histoire. Oui, oui, oui. Anne Boleyn se manifeste souvent? Oh oui, oui, là, et plus encore Hampton Court, avec sa tête sur le bras. Ah bon, elle porte sa tête sur le bras? Oui, absolument. Ouais, pour ne pas se fatiguer. À Longleat, les techniciens prennent les films à la Kodak. Et ils développent les films, et c'est tout rouge. Les techniciens visitaient une petite chambre, et puis, il y a un bruit, et il tournait, et la porte, ce n'est pas ouvert, et la clef tournait. Les clés. Oui, oui, oui. C'est extraordinaire. Il était enfermé dans la chambre, oui. Par le fantôme. Oui, absolument. Oui, oui. Dans le Sussex de l'Angleterre, qui est une région également naturelle, une région humaine, une région pas sauvage ni romantique, une région où on fait de la bière, où on fait du cidre. L'armée avait voulu traquer une armée de fantômes. Il paraît qu'il y avait 200 fantômes qui étaient dans le Sussex. L'armée est arrivée avec des instruments, des radars, des armes, elle a pris position, et au bout d'une demi-heure, une tornade s'est levée, et cette tornade a détruit tout le matériel apporté par l'armée. Alors je pense que ce sont ces fantômes qui ont détruit les armes qui pouvaient les détecter. Dans l'article que j'ai lu précisément, l'article qui a été écrit par un de vos amis, M. Vergas, il est noté également qu'il y a une chaîne de télévision de la BBC qui a voulu aller, je crois, à Langlit pour filmer des fantômes. Car, peu de temps auparavant, un photographe, Louis Seignier, un photographe français, avait pu réaliser une photographie de fantômes que vous avez sous les yeux, d'ailleurs, qui est plus ou moins vaporeuse, avec des rayures. Oui, je la vois, oui, elle est très bonne, d'ailleurs. Oui. Et donc la télévision s'est dit, pourquoi, puisque la photo a réussi cet exploit, pourquoi est-ce que les caméras ne les réussiraient pas? Et en fait, les caméras n'ont pas pu fonctionner. Vous avez raison, ça c'est curieux. J'ai le sentiment que le fantôme n'aime pas la très grande technique. Parce que nous-mêmes également, à notre bureau Place Vendôme, à l'office de tourisme britannique, nous avons des photos de fantômes, devant tout un escalier, très sombre. L'éclairage est formé par une forme lumineuse qui est au milieu, qui est une forme humaine. Cette photo n'est pas truquée du tout, c'est vraiment une photo d'un fantôme. Donc je crois que lorsqu'il s'agit d'un appareil statique, d'un appareil qui n'est pas très moderne, le fantôme l'accepte. Lorsqu'il s'agit de techniques extrêmement élaborées, à ce moment-là, le fantôme devient furieux et réagit contre cette technique et refuse de se laisser prendre dans cette technique moderne. Comble d'ironie, défi à la technique, il y a même un fantôme familier, dans les studios de la BBC à Édimbourg. Monsieur John Gray, de la BBC en Écosse, parle. Les studios de la BBC à Édimbourg sont dans un immeuble qui est presque 2 siècles d'âge. L'immeuble est dans le centre de la ville renommée The New Town. Et pendant toutes les années qui existent, c'est une maison privée, une salle de concert, une boîte de nuit, et maintenant, c'est le broadcasting. Dans cette ancienne ville, il y a beaucoup d'histoires, des événements étranges et des fantômes. Il n'y a pas de personne dans la BBC qui a vraiment vu la fantôme de la BBC. Mais après minuit, sur les escaliers qui suivent de la studio principal de musique, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que quelqu'un le suive sur l'escalier de haut en bas. Mais il n'y a pas jamais personne là. Il n'y a pas une histoire qui peut donner une explication pour ces événements. Il occurre toujours quand quelqu'un travaille après minuit, il n'y a pas autre personne là. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être un fantôme syndicaliste qui objecte que personne travaille après minuit. C'est possible. Mais moi, je préfère, j'ai mieux pensé qu'il y a un fantôme à la BBC et un fantôme de l'Edinburgh éternel. Avant de visiter un château avec fantômes compris dans le forfait, si je puis m'exprimer ainsi, restons encore un instant en Écosse. L'Écosse où les fantômes sont presque chez eux dans la campagne et dans les villes. Témoignage de Mrs. Doreen Taylor qui a rencontré un esprit que n'effrayaient pas les moteurs d'automobile. Une nuit, alors que je rentrais d'un concert du Festival d'Édimbourg, il se produit quelque chose de très étrange. J'étais très fatiguée et charmée par la musique que je venais d'entendre. J'avais un long voyage à faire et alors, presque arrivé chez moi, j'arrivais à un croisement de route. Je vis arriver sur la droite une grosse voiture noire ressemblant à une voiture de police qui me coupe la route et je fus obligé de freiner brutalement. C'est à ce moment que les phares de ma voiture se sont éteints progressivement. La voiture en face de moi était entièrement noire et tout devint de plus en plus sombre. Je ressentis la présence d'un passager à côté de moi. J'avais très peur, mais je n'ai pas osé le regarder. Subitement, mes phares s'éclairant à nouveau, et je m'aperçus qu'il n'y avait personne. J'étais très nerveuse en rentrant chez moi. J'avais très peur, car je sentais quelque chose d'effrayant venait de m'arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque j'ai parlé à ton ami de cette aventure, il me dit « C'est drôle. La même chose m'est arrivée au même endroit il y a quelque temps. » Et voici cette fameuse porte du château de Puttenden à Lingfield dans le Surrey. Cette porte qui s'ouvre souvent sans raisons apparentes. Et nous voici à l'intérieur de Puttenden Manor, où nous avons rencontré les hôtes de ce château, dont M. Brian Thompson, qui est le propriétaire. Je suis Henry Thompson. Je demeure ici toute seule parce que ma femme est en Écosse. Je ne l'aime pas parce qu'on dit qu'il y a des revenants par ici. Mais je n'ai vu beaucoup. Une fois, un jour, je passais d'une chambre et je croyais que j'ai vu quelque chose dans la salle à manger. J'ai crié, personne ne répondit pas. Je courais, personne n'était pas là. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. How does that, is that anything like it? I sold to Mr. Thompson. But when my sister was staying there with my grandmother and aunts, in one bedroom, she suddenly woke up and found a hand across her. J'ai vendu Down Court à Monsieur Thompson. La maison était dans ma famille pendant 300 ans. Un jour, ma tante était endormie. Et tout à coup, elle a senti une main qui se posait sur elle. Elle croyait que c'était sa sœur, parce que sa sœur avait logé avec elle pendant tout un temps. Mais puis tout à coup, elle dit, mais c'est pas ma sœur n'est plus ici. Alors de nouveau, elle a repoussé la main, puis de nouveau, la main s'est posée sur elle. Alors, la main était complètement glacée. Elle a pris la main, elle l'a rejetée complètement. Et quand elle s'est levée, il n'y avait personne là. Depuis quelques ans, je demeurais dans la même maison. Un jour, j'étais dans la cuisine, c'était pendant le jour. J'étais toute seule dans la maison. Et suddenly, il y a une explosion. C'est comme un revolver. Personne n'était pas dans la maison. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais un autre jour, ma femme était toute seule dans la maison et elle entendait la même chose. Pour un Français, un fantôme symbolise 9 fois sur 10 l'horreur. Mais pour un Anglais moyen, un fantôme, un esprit, c'est tout autre chose. En fait, les trois quarts des fantômes sont des fantômes sympathiques. Vous avez des rois, vous avez des reines, vous avez des petits marquis, vous avez des jeunes filles, vous avez des garçons. Mais chaque fantôme aime l'être humain. Et je crois que ceux qui sont vraiment hostiles à ce que nous sommes sont l'exception. Vous avez le fantôme d'Anne Boleyn, par exemple, qui est à Londres, à Hampton Court. Anne Boleyn est un fantôme sympathique. Vous avez deux ou trois fantômes que je connais bien en Écosse également. Ce sont des fantômes sympathiques qui aiment l'homme, qui sont heureux de sa compagnie. Et beaucoup de fantômes également se laissent répondre aux questions qu'on leur pose. Ils parlent, ils sont avec vous, ils sont à côté de vous, ils vous aiment bien. Donc je crois qu'effectivement, le fantôme n'est pas quelqu'un dont on a peur. Vous le disiez tout à l'heure quand on parlait tous les deux, c'est un petit peu le grillon du foyer, c'est, je ne dirais pas l'animal du foyer, mais c'est le compagnon gentil qui ne fait pas de mal et qui, pourquoi pas, pourrait peut-être vous aider dans les moments difficiles. Je crois qu'il y a dans la croyance aux fantômes une relation avec l'environnement. Et je crois que les fantômes aiment avant tout les gens qui croient en eux. C'est le principe de l'auberge espagnole. C'est... On ne trouve que ce que l'on apporte. Bien sûr, mais lorsque j'ai eu ce vent très froid qui est arrivé sur mon lit chez le duc de Bedford, il est bien certain que là, je n'apportais rien. J'étais là, je dormais. Cela dit, j'étais réveillé par Alors ce fantôme, appelons comme il est ce fantôme. Je n'ai rien vu, évidemment. Non, je n'ai pas eu peur parce que vous disiez tout à l'heure, les fantômes sont sympathiques. J'étais habitué à dire et à croire et à penser qu'ils étaient sympathiques. Par conséquent, pas un instant, j'ai eu peur d'un fantôme qui puisse me faire du mal. Pas du tout. J'ai cru à quelqu'un qui n'habitait plus la Terre ou qui était un petit peu extraterrestre, mais pas un instant j'ai pu croire qu'il pourrait me tuer, me blesser, me donner une mauvaise pensée ou me faire peur. Absolument pas, non. Vraiment, pour moi, le fantôme est une personne sympathique. Et encore une fois, c'est le grillon de la maison, c'est la personne qui vous aime bien, avec qui on vit, sans trop le voir. Ce phénomène dont vous parlez, d'ailleurs, la chute de température brusque, le vent qui se lève, qui dure quelques instants, eh bien, on le retrouve dans tous les témoignages. Ah bien ? Absolument. Dans tous les témoignages que j'ai sous les yeux et que j'ai déjà un petit peu collationnés, si je puis m'exprimer ainsi. Ah, très bien. Vous avez même également, il n'y a pas des fantômes que dans ces moors, dans ces landes désertes en Écosse, ou dans ces fameux parcs protégés du sud-ouest de l'Angleterre. Vous avez un fantôme également qui se trouve dans un théâtre à Londres, à Drury Lane. Ce théâtre est donc dans le centre de Londres et tous les ans, à la même place, arrive le fantôme qu'on appelle le fantôme à l'habit vert. Lorsque la pièce est mauvaise, le fantôme est là pour dire que la pièce n'est pas bonne. Et les acteurs, lorsqu'ils font les répétitions, essayent d'appeler ou de voir ou espèrent que le fantôme est là, car s'il est là, le fantôme dira quel futur ou quel avenir on peut donner à la pièce pour laquelle il répète actuellement. Et il le dit comment ? Et il le dit, il parle. Il lui dit, cette pièce me paraît mauvaise, cette pièce n'aura pas de succès, je vous conseille, etc. Et sa voix, elle tombe d'où, du trou du souffleur ? Il est toujours assis à la même place, qui est, je crois, au bout de la rangée centrale, à droite. Et il est toujours habillé en vert. George Hoare, qui est le General Manager du Royal Theatre de Drury Lane, nous parle de l'homme en gris. The most famous ghost of London's theatre land. The man in grey of the historic Theatre Royal, Drury Lane. Le plus fameux fantôme de théâtre est l'homme en gris du Royal Theatre, Drury Lane. Il apparaît généralement entre 9h et 6h de l'après-midi. Il est de taille moyenne, porte des vêtements du XVIIIe siècle, avec une cape qui retombe sur ses épaules, des hautes choses, et porte un tricorne au-dessus d'une perruque poudrée. Il marche au milieu de la tribune du foyer, et il est généralement bien accueilli par les gens du métier auquel on pense qu'il vient porter bonne chance. Il apparaît généralement un jour ou deux avant le début d'un succès du Drury Lane Theatre. On s'accorde à dire qu'il a été vu au début des succès musicaux tels que Oklahoma, South Pacific et Le Roi et moi. Mais depuis, on ne se souvient pas l'avoir revu. Il n'a d'ailleurs pas fait d'apparition pour My Fair Lady, qui est pourtant le plus grand succès de ces 300 dernières années de notre histoire théâtrale. Selon la légende, l'homme en gris fut le jeune stage door Johnny qui mourut d'amour pour une actrice. Il ne put d'ailleurs lui avouer son amour et mourut assassiné à l'intérieur même des murs de notre théâtre. Je passerai sous silence le témoignage de Miss Honeywell du Psychic College d'Édimbourg qui est tout acquise à la croyance des fantômes. Ça ne nous apporterait donc rien. Par conséquent, je préfère invoquer maintenant celui de Madame Elisabeth W., qui est une touriste française et qui est allée en Angleterre pour voir des châteaux hantés. J'ai remarqué que les touristes français, en cette fin de saison de vacances, même lorsqu'ils visitent un château réputé hanté, ne s'attardent qu'à l'architecture et au mobilier. Pour le reste, eh bien, ils haussent les épaules. J'ai pu demeurer à Sawston, chez les Halderston. Dans une chambre, vers minuit, le feu s'est arrêté de brûler dans la cheminée. Un vent froid s'est levé, les tapisseries murales flottaient littéralement. Tout était fermé. Ce vent ne venait de nulle part. Et en pleine nuit, j'ai entendu contre le mur un rire étouffé, puis de la musique assez indistinctement. De la fumée, celle du feu éteint sans doute, flottait en plein milieu de la pièce. Enfin, je dis de la fumée, peut-être était-ce autre chose. Cette fumée ne sentait rien. En ce qui concerne le tourisme réservé aux Américains, il y a dans les ruines de Spey, en Écosse, une représentation de Hamlet, avec bien sûr le fameux spectre, lequel s'est foulé une cheville l'été dernier en plein spectacle. Les fantômes, dit-on, n'aiment pas les contrefaçons ou les imitations. En Angleterre, le point de vue de l'Église est absolument différent, diamétralement opposé à celui de l'Église en France. Le révérend Pierce Higgins a écrit « Les spécialistes du supranormal pensent que la présence de l'être vivant dans une habitation en imprègne les murs et les objets. On doit croire que certaines circonstances, jusqu'ici mal définies, favorisent la matérialisation de cette imprégnation humaine et qu'un fantôme peut apparaître. Les fantômes qui hantent certaines maisons sont en réalité une projection de souvenirs faite par la mémoire des murs et un fantôme quitte rarement sa maison. L'apparition d'un fantôme est un film sans relief qui se déroule sur l'écran sans épaisseur de ce que j'appellerais notre éther second. Il n'y a là ni mystère ni superstition. Et c'est à peu près ce que m'a dit le révérend Aloysius Carrot, révérend père bénédictin. À mon avis, la croyance aux fantômes et aux esprits ne peut pas être une superstition. Il peut y avoir des bons et des mauvais esprits. Je pense que les manifestations des esprits, bons ou mauvais, peuvent être des manifestations d'anges gardiens ou d'esprits de mal, et que les gens vivant près de la nature sont peut-être plus réceptifs à ces manifestations. Bilan de l'opération enregistrement prise de vue fantôme à Southend Hall et Longleat par la BBC deuxième chaîne couleur. Trois émissions fantômes sur les lieux ont été tentées d'enregistrer. Trois fois de suite, prise de vue ratée, mise au point défectueuse, image floue, film développé, vierge. À la quatrième tentative, image valable, mais tout est uniforme dans la couleur. Pour l'American BBC, même chose, image brouillée de rouge éclatant. Sans compter les incidents, plombs qui sautent, candélabres qui tombent, au moment des gros plans sur les portes et les tables qui vibrent. Seul le château de Beaulieu a pu réserver quelques surprises, près de Southampton. Des plaintes ont été effectivement enregistrées sur bande magnétique et qui ressemblent à un plein champ en fading. Les Anglais sont trop discrets, trop jaloux de leur intimité lorsqu'ils croient à la présence d'esprits dans leur maison ou leur paysage privilégié, pour en parler avec des gens curieux et avides de sensations. Cela explique en partie leur sourire et leur humour n'est alors que de la pudeur. Les gens les plus évolués de Grande-Bretagne croient à des manifestations plus ou moins sensibles, plus ou moins spirituelles. Le tourisme officiel de Grande-Bretagne hausse les épaules. Si les Américains veulent faire le tour de nos châteaux hantés, qu'ils le fassent, mais je doute que les bons vieux fantômes qui se manifestent dans leur terroir, dans un environnement déterminé, obéissent à la loi des loisirs. Ces fantômes n'aiment ni la technique ni la radio quand elles s'appliquent à recueillir des sensations. Je suis sûr que Camille Flammarion ou Madame de Jouvenel ou Victor Hugo ne se sont jamais tournés vers l'au-delà comme on va voir un film d'horreur. Ni Aristide Briand qui voulait préserver les lieux où souffle l'esprit, ni Théophile Gautier avec ses vers naïfs, les fantômes quand minuit sonne viennent armés de pied en cap, ou encore Baudelaire plus proche d'une vision fantastique, son fantôme dans l'air danse comme un flambeau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er décembre 1972. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.